Exercice 3, page 37. Car, fort, haut, sale, Jean, peau, mal, chat, carré, forcé, olive, salade, gentil, poli, malheur, chaleur, carrément, forcément, olivier, saladier, gentillesse, politesse, malheureux, chaleureux. Car, carré, carrément. Fort, forcé, forcément. Haut, olive, olivier. Sale, salade, saladier. Jean, gentil, gentillesse. Peau, poli, politesse. Mal, malheur, malheureux. Chat, chaleur, chaleureux.